Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Septième émission. Audience du 2 août 1945, dixième audience. La veille, on a entendu de nombreux généraux qui ont fait l'historique, déjà tant de fois entendu, des événements militaires qui ont précédé l'armistice. Comme chaque après-midi à la reprise des débats, le maréchal a traversé la foule lentement, d'un pas bien assuré. Il s'enfonce dans son fauteuil. C'est au tour de M. Léon Noël, ambassadeur de France, de déposer. Paradoxe. Cité comme témoin à décharge, il va faire une déposition accablante pour le maréchal. C'est Maître Isorni qui l'introduit. Monsieur le Président, nous avons fait citer l'ambassadeur Noël. Nous savons que, dès après l'armistice, il est devenu un adversaire de la politique du maréchal, mais nous l'avons fait citer sur un point particulier, la négociation même de la convention d'armistice. Le Premier Président souhaite que le témoin ne réponde qu'à cette seule question, car il faudrait bien... On renonce à cette habitude qui paraît s'instaurer ici. C'est de faire des conférences, pleines d'intérêt sans doute, mais des conférences d'état-major, des conférences politiques. Je m'efforcerai d'être très bref, ne serait-ce que parce que ce qui est un peu paradoxal, ce n'est pas l'accusation, mais la défense qui m'assiste. À propos de la convention d'armistice, il n'y a aucun mystère dans ce texte, il n'y a aucune pièce secrète. Par conséquent, les exigences allemandes n'ont pu se manifester qu'en violation de l'armistice. Il aurait fallu protester énergiquement à chaque violation des clauses. Il paraît invraisemblable qu'entre le 17 juin, date à laquelle l'armistice a été demandé, et le 25 juin, date à laquelle la convention est entrée en vigueur, on n'ait pas eu le temps de mettre à l'abri une partie de la flotte. Je me suis rendu compte que le nouveau gouvernement s'était engagé à la faveur, il faut bien le dire, à la faveur de l'affreuse équivoque créée par de glorieux souvenirs et qui a troublé les esprits et les cœurs de tant de Français, que le gouvernement s'était engagé sur la pente fatale des abandons successifs, de la servilité, des exigences trop facilement acceptées, des concessions offertes. La liste serait longue de ces concessions offertes. Un exemple. La fixation de l'indemnité d'occupation à 20 millions de marks qui dépassait le montant des frais d'entretien des troupes d'occupation. Eh bien, cette somme, sur laquelle les Allemands s'attendaient probablement à un marchandage, a été acceptée presque sans discussion. Autre exemple. On aurait eu le temps de faire partir entre le 19 et le 25 juin 1940, les réfugiés politiques demandés par les Allemands, et rien n'a été fait. Certes, les Allemands ont présenté cette clause, l'article 19, qui demandait la livraison uniquement des incitateurs à la guerre. Il y avait là, incontestablement, une base solide pour une défense, pour une discussion, et par exemple, il était facile d'affirmer que le pauvre Edu Bratscheid n'était pas un incitateur à la guerre. On aurait eu le temps de procurer à ces malheureux des papiers qui leur auraient permis sans doute de gagner l'Angleterre. Une autre chose m'a encore indigné, c'était de voir le nouveau régime faire appel à la collaboration de traîtres avérés, d'agents de l'Allemagne, connus pour tels avant la guerre, comme Debrinon, Scapini, les Marion ou les Benoît Méchain, ou des ambitieux jusque-là déçus, fermement décidés à profiter des malheurs de la patrie pour édifier des fortunes et souvent pour satisfaire des ambitions politiques. Je me suis donc retiré. J'ai refusé dans la suite tous les postes qui m'ont été offerts. Ainsi, point d'ambiguïté, point de malentendu possible. Vous savez maintenant quelle est mon opinion et sur celui que vous avez à juger et sur ses auxiliaires et sur sa politique. Un juré prend la parole. Voulez-vous nous dire, selon vous, quelle est la part de responsabilité du maréchal dans l'utilisation néfaste qui a été faite des clauses de l'armistice ? Ah, il m'est assez difficile de répondre à cet égard, parce que je suis resté, comme vous l'avez vu, très peu de temps en réalité en contact avec Vichy, et par conséquent, je n'ai pas suivi les déviations que j'avais prévues à la politique qui s'est esquissée dès le lendemain de l'armistice. Une autre question, monsieur le juré ? Une question ? Oui ? Monsieur l'ambassadeur, si j'ai bien compris votre déposition, vous avez expliqué que dès le début de l'armistice, vous aviez été un résistant, en somme. Avez-vous eu l'impression que c'était aussi la conviction du peuple français ? Qu'il fallait résister aux clauses de l'armistice et à tout ce qui pourrait suivre et que, par conséquent, la politique de collaboration était profondément hostile aux tendances de l'âme française. Jusqu'au milieu de juillet, il était difficile de se rendre compte de l'état d'esprit du peuple français. Le désarroi était trop grand, même à Paris, dont la population était singulièrement réduite en monde. Mais ce que je tiens à affirmer, c'est qu'à cette époque, dès les jours qui ont suivi le 14 juillet, j'ai senti dans la population de la région parisienne un magnifique et un merveilleux réveil de l'opinion et du patriotisme français. J'ai considéré que l'on avait le devoir de s'appuyer sur ce mouvement-là. Et je crois répondre à votre question. Cela a été pour moi le point de départ de la résistance. La défense, désorientée par cette attaque de la part d'un témoin qu'elle a fait citer, garde le silence. Le témoin suivant, le général Sérigny, ancien chef de cabinet de Pétain pendant la Grande Guerre, qui salue l'accusé, vient à son tour à la barre. Vos noms, prénoms et qualités. Général Alain Sérigny, général de corps. 74 ans. Maître Payen, vous avez la parole. Le général Sérigny a travaillé longtemps et souvent avec le maréchal. Et on peut dire qu'il était dans son intimité. La première question que je veux lui poser est celle-ci. Est-ce qu'il a eu l'occasion, dès avant l'armistice et depuis, de parler au maréchal de Monsieur Laval? Et quels étaient les sentiments du maréchal concernant M. Laval ? La question de M. Laval se rapporte au voyage du maréchal à Paris en janvier 1940. M. Daladier a déclaré à l'instruction que dans une lettre personnelle du maréchal Pétain au général Georges Mandel, il lui avait manifesté son intention de venir à Paris et qu'ensuite il lui avait dit « Je suis venu à Paris, j'ai rencontré des civils et des militaires, des esprits ingénieux et certainement bien intentionnés. On en conclut que le maréchal avait préparé un complot. Je tiens à dire ici que je suis de ceux qui ont été conviés par le maréchal à ce voyage. Nous avons déjeuné ensemble. Lui, le général Antoine, ancien major général des armées françaises, et moi, au café de Paris, dans la salle commune. Il n'a pas été question de politique intérieure. Il n'a pas été question de M. Laval. En revanche, le maréchal nous a dit qu'il était très inquiet de l'attitude de l'Espagne vis-à-vis de la France et qu'il faisait tout son possible pour empêcher un coup de poignard dans le dos, mais que malheureusement les phalangistes se dressaient contre lui. Il nous a dit qu'il faisait son possible pour être reçu par le caudillo, qu'il faisait toutes les cajoleries possibles aux évêques, mais que malgré tout, il n'arrivait à rien. Ceci dit, je voudrais ajouter que contrairement à ce qui a été affirmé, le maréchal n'était pas décidé dès le 25 mai à demander l'armistice. Ce n'est que le 11 juin, en face d'une situation désespérée, que le maréchal a pris la décision de demander à ses collègues du gouvernement d'envisager l'armistice. Et je dois dire que dans la voiture qui nous emmenait ce jour-là chez Paul Reynaud, il m'a dit toute l'estime en laquelle il tenait son président du Conseil pour la combativité qu'il montrait en cette occasion. Après avoir rappelé qu'il connaît le maréchal depuis 50 ans, le général Sérigny affirme que le maréchal n'avait pas la moindre ambition politique. Il estime que le maréchal a hautement mérité de la patrie. Je vais plus loin. Le maréchal Pétain est en réalité un des artisans occultes de la victoire. Il a sauvé l'Afrique du Nord. Un peu de silence, s'il vous plaît. Poursuivez, mon général. J'en arrive à une période très grave, c'est celle du 11 novembre 1942. Je suis à Paris. Le lendemain, j'arrive à Vichy. J'essaie de voir le maréchal. On m'en empêche. Je le vois le 13 novembre, à 10h du matin. Je lui tiens à peu près ce langage. Monsieur le maréchal, j'ai jusqu'ici approuvé votre politique d'atermoiement parce que je la considérais comme utile à la France. Mais aujourd'hui, la situation est complètement changée. Le moment est venu de partir pour l'Afrique. Il faut réunir toutes les forces de la France sous votre autorité. En vous entendant avec De Gaulle, avec les Anglais, avec les Américains, pour faire front commun. Partez, monsieur le maréchal, partons. Le maréchal resta un moment silencieux, sans mouvement. Puis il me dit, vous avez peut-être raison, mais je n'ai pas le droit de partir. J'ai promis aux Français de rester avec eux jusqu'au bout. Je ne peux faillir à mon serment. Si je partais, quelles seraient les souffrances de nos compatriotes ? Chaque fois que je résiste à Hitler, il me menace de me remplacer par un Gauleiter. Vous savez ce que c'est ? Demandez-le aux Belges. Ils ont autrement souffert que nous. Non, mon devoir est de rester ici pour amortir les coups. Messieurs, j'ai échoué dans la mission que je m'étais librement donnée. Je l'ai regretté, parce que la présence du maréchal eût galvanisé la résistance. Mais reconnaissez tout de même qu'il y a quelque chose de grandiose dans ce geste d'un homme qui reste pour tenir un serment et pour s'efforcer d'empêcher son peuple de souffrir. À la couronne de gloire que je lui offrais, il a préféré une couronne d'épines, c'est tout de même un beau sacrifice. J'espère que vous le comprendrez. Et si vous ne le comprenez pas, l'histoire, elle, le comprendra. C'est au tour de Charles Trochu d'être entendu, président du conseil municipal de Paris pendant l'occupation. La thèse qu'il va défendre, c'est celle du double jeu du maréchal, qui n'était pas maître de ses ministres. Maître Isorni l'interroge sur l'appartenance du maréchal à la cagoule. Monsieur le Président, avant de répondre à la question de Maître Isorni, je vous demande la permission de faire une très courte déclaration. Vous avez la parole. Je ne viens pas ici payer une dette de gratitude, ni quoi que ce soit. Je ne dois rien d'autre au maréchal que la reconnaissance que l'on peut avoir pour quelqu'un qui vous a toujours accueilli d'une façon bienveillante. Sur le plan politique, je ne dois rien au maréchal. Maintenant, il est sûr que si le maréchal avait appartenu à la cagoule, de l'oncle, qui était le chef incontestable de cette organisation, l'aurait su. Or, il m'a demandé de voir ce que le maréchal pensait de son mouvement en décembre 1940. S'il avait été en contact avec lui, il n'aurait pas eu besoin de m'interroger. Et je l'aurais vu assis dans un beau cabinet ministériel ou à une très haute place à Vichy. Voilà la conclusion que j'en ai tirée. À propos de l'armistice, je dois dire que j'étais tout à fait contre cette reddition. Quand j'ai vu le maréchal, il m'a dit tout ce qui a été répété ici, et il a ajouté « Je ne pouvais pas consentir à ce que l'armée française soit captive, c'est-à-dire toute la jeunesse française. » À propos du général de Gaulle, j'ai dit que j'étais de tout cœur avec lui. Le maréchal aurait pu me mettre à la porte. Il m'a répondu tranquillement « Je vous comprends. À votre place, je penserais probablement comme vous. Mais ici, nous sommes obligés de ruser pour maintenir la France. » Quant à Montoire, c'est Henri Dumoulin de la Barthète, chef de cabinet du maréchal, qui lui a expliqué. On a fait le coup de la carte forcée. On est arrivé pour lui dire « Hitler vous attend. Il ne vous attend pas dans 8 jours, ni dans 10 jours, mais tout de suite. Si vous refusez de rencontrer Hitler, qui en supportera les conséquences ? Le peuple français ? Et puis si vous voulez obtenir la libération des prisonniers, il faut la demander à celui qui peut l'accorder. Allez voir Hitler et demandez-lui. Si vous n'y allez pas, comment l'obtiendrons-nous ? J'ai entendu ce chantage qui a joué pendant plus de 2 ans jusqu'à mon départ. Ce chantage constant. Quelle était la personne, car il faut mettre un nom, qui était l'auteur de ce chantage ? Monsieur Laval, naturellement. C'est lui qui est venu chercher le maréchal pour l'amener à Montoire. Alors le chef de l'État subissait l'influence du chef de gouvernement. C'est le renversement des hiérarchies. C'est ce que m'a dit Dumoulin de la Barthète. Le maréchal était souvent indécis parce qu'il n'osait pas entrer en conflit avec ses ministres. Je voudrais expliquer comment les choses se passaient à Vichy. Quand on vient dire « le maréchal était un dictateur », je me demande si l'histoire ne lui reprochera pas plutôt de ne pas s'être servi des pouvoirs qu'il avait plutôt que d'en avoir abusé. C'était un novice de 85 ans. Charles Trochu, pressé par un juré, explique comment il reçut et renvoya la Francisque en novembre 1942. Si je croyais devoir la porter, je l'aurais épinglé à mon revers en venant ici. Après ce témoin, l'audience est brutalement suspendue à 15h40. Que se passe-t-il ? Contrairement à l'habitude, la suspension se prolonge considérablement. 2 heures passent. Les rumeurs les plus fantaisistes circulent dans les couloirs du palais de justice de Paris. Enfin, à 17h10, la cour reprend son siège. Messieurs, la cour a délibéré sur un point capital. Monsieur Pierre Laval est arrivé hier soir. Il est à notre disposition. Personne ne comprendrait que nous ne l'entendions pas. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, nous entendrons Pierre Laval demain à 13h30. La venue de Laval dérange. Durant les 9 audiences, les avocats et les témoins à décharge se sont acharnés sur Laval, en le rendant responsable de tout ce qu'on reprochait au maréchal. Son arrivée est une surprise. La défense tente d'empêcher sa comparution. Les jurés manifestent avec force leur désir de l'entendre. Je demande à présenter une observation. Vous avez la parole, monsieur le bâtonnier. Personne ne désire plus vivement que nous que la lumière soit faite sur le rôle qu'a joué monsieur Pierre Laval et sur l'influence, à notre avis, néfaste qu'il a exercée. Mais ce n'est pas la comparution de monsieur Pierre Laval à l'audience qui permettra de faire la lumière. Les affirmations, les dénégations, les contestations qu'il apportera. Il faut tout de même qu'elles soient vérifiées et contrôlées suffisamment par les protestations qui s'élèveront de la part de ceux qui l'aura attaqué. Nous allons donc déposer des conclusions demandant à la Cour d'ordonner qu'une instruction soit rouverte pour entendre M. Laval. Ces conclusions de la défense me paraissent prématurées. Attendons la réponse que Pierre Laval fera aux questions qui lui seront posées. Et d'après ces questions, vous verrez s'il y a lieu de maintenir vos conclusions et de les développer. Mais attendons tout au moins la comparution de celui-ci, dont pour ma part, je n'attends pas grand-chose. Sur ce dépôt de conclusion, la haute cour se retire pour délibérer. Quelques instants plus tard, elle rejette les conclusions de la défense. L'audience reprendra demain à 13h30. L'arrivée de Pierre Laval va-t-elle modifier le climat dans lequel se déroule le procès du maréchal ? Il a annoncé, du moins le bruit a-t-il couru, que s'il était accusé, il accuserait à son tour. Le maréchal allait-il riposter ? On s'attend à une confrontation. Les esprits s'enflamment. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missika. Septième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Leudenbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Léon Noël, Jean-Paul Faré. Général Sérigny, Georges Beauvilliers. Charles Trochu, Guy Chapelier. Juré l'évêque, Hervé Furic. Un juré, Christophe Allwright. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.